Bonjour amie Vierge, on va regarder ensemble quel va être le petit conseil de l'oracle de Béline pour votre mois de mars 2023. Alors la coupe, elle représente la paix, elle représente la stérilité. Donc ça peut vouloir dire que vous avez besoin tout simplement de recul et de tranquillité en mars. Voyons le tirage maintenant. Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, j'ai envie de celle-là, mars 2023, hop, hop, hop. Pour les vierges. Ne vous inquiétez pas, elle est tombée sur mes genoux uniquement. Alors, donc vous avez besoin de paix, de tranquillité, en effet. Donc ça, c'était la coupe. En effet. C'est vrai que ces derniers temps, peut-être que vous vous posez ben voilà, dans vos unions, peut-être dans votre couple. Pour le moment, ben, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Et vous avez eu besoin de recul, de moments à vous pour mieux vous y retrouver. Peut-être également que vous êtes assez fatigué et vous avez eu un peu plus de mal à être avec l'autre, à l'aider comme vous le voudriez. Et donc par rapport à cela, eh bien, heureusement, et il y a à nouveau, la chance arrive, la chance tourne, il y a une bonne nouvelle qui arrive dans votre foyer. Donc on est vraiment ici dans la vie intime, la famille, le foyer, le couple. Il y a une bonne nouvelle qui va vous faire repartir de plus belle, qui va emballer votre cœur et qui va faire que vous allez retrouver de l'élan dans votre relation amoureuse ou alors avec une personne avec qui vous êtes profondément lié. Donc voilà, le mois de mars, en fait, il va agir comme le printemps et il va vous booster un bon coup dans une relation importante. Donc bah, profitez-en et suivez ce mouvement.